fort pour toi, mais moi, je veux pas être forte. J'ai juste envie d'aller voler dans l'air et ne plus rien penser. Peut-être je ne sentirai plus le poids du monde sur mon cœur. Et tout au fond, à l'intérieur, je sens ma vie écrabouillée par tout ce mal. Tu es à côté de moi, là est ton cœur. Je sens bien comme il bat. Mais c'est comme si je pouvais plus te serrer déjà. Comme si j'étais loin de toi. La vie coule entre tes doigts et moi. Je peux rien retenir. Ton souffle si chaud sur moi. Je le sens bien, je le respire. C'est toi et moi. Tu es là à côté de moi et ton cœur, comme je le sens. Je suis blotti contre toi et dans tes bras tu me serres si fort. Si on pouvait aller loin, loin de tout ça, rien de toi et moi. Si on pouvait prendre un train qui jamais ne s'arrêterait. Je suis la chair de ta chair et c'est ton sang qui coule en moi. Tu n'as pas le droit de me laisser, j'ai tellement besoin de toi. Et tellement je veux pas te perdre que je suis déchirée, tellement je t'aime si fort, je t'aime si fort. Et c'est tellement je veux pas te perdre, reste avec. Pour toi, mais moi, je veux pas être forte. J'ai juste envie d'aller voler dans l'air et ne plus rien penser. Peut-être je ne sentirai plus le poids du monde sur mon cœur. Et tout au fond, à l'intérieur, je sens ma vie écrabouillée par tout ce mal.